Bonsoir tout le monde. Good body, every evening. Je me suis mis à l'anglais. J'ai besoin de croire à la réincarnation, ça va être long. Ça prend quelques vies successives. On a eu un beau mois d'avril, ça a été le mois des concours et des matchs de toutes sortes. Dans la division Adams, à Montréal, les Canadiens ont éliminé les Wheelers. On est qualifié pour la finale, pour les demi-finales tout au moins. Dans la division œil pour œil, bombe pour bombe, à Tripoli, les Américains ont éliminé les Libyens à zéro. Là aussi, on est qualifié pour aller en finale. Dans la division de l'atome, à Tchernobyl, les Ukrainiens ont éliminé les Scandinaves à zéro. Le monde entier est qualifié pour aller en finale. C'est l'ultimatum de l'ultimatum. On est vraiment fait pour vivre ensemble, pour réussir ensemble. S'il est vrai que lorsque les conditions sont au pire, l'homme est à son meilleur, alors réjouissons-nous. On vient de frôler les sommets de la perfection, en route pour l'Himalaya. Amenez-nous-en des conditions impossibles, des défis à relever. Il n'y a rien à notre épreuve. L'agressivité, la bêtise, on connaît ça, nous autres. On est mûrs pour les championnats du monde et des environs. Parce que chez nous, c'est naturel. On n'a même pas de mérite. C'est une vieille histoire qui remonte à nos origines. Il semblerait qu'on a reçu en héritage un cerveau animal, reptilien, qui serait la cause de cette violence, de cette bêtise naturelle chez l'homme. Quand l'homme cessa d'être un singe, il fut con, brutalement. On appelle ça une mutation. Cherchez pas le chaînon manquant, il n'y a personne qui manque à l'appel ou presque. Maintenant que ça fait partie de notre nouvelle nature, on fait tout notre possible pour que ça paraisse. Fier qu'on est de se conduire dans la création comme des volailles dans la cour d'une ferme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les politiciens à l'Assemblée. C'est ça la hiérarchie des coups de bec. Bon, on n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour entendre des propos intelligents en compagnie de Bernard de Montréal, le seul, le vrai, l'unique, toujours imité, jamais égalé. Monsieur Bernard de Montréal. Nous sommes profondément violents. Nous sommes habités par la peur qui entraîne des confusions et des catastrophes dans l'action. Quelle est donc l'origine de cette peur et de cette violence? Peut-on envisager de vivre avec un esprit dégagé de toute cette confusion, de cette hostilité entre les hommes-loups? Peut-on vivre sans violence? Le changement implique-t-il la violence? Peut-on changer sans conflit, sans opposition? L'origine de la violence chez l'être humain, elle est due à la partition de sa conscience. L'être humain, sur le plan matériel, n'est pas total, il n'est pas complet. Il vit une conscience partagée entre le monde matériau-sensoriel